monde dans la mêlée. Armé pour le million. Fallait pas t'en mêler. Brolique chargé comme un gros pilon. Le salam au soldat. Le mandat envoyé. Le son dans la cova. J'arrive en balle, c'est pas tard, bon vous voyez. Armé brolique, désolé. Follow me, follow me. La lune est pleine, j'arrive en meute. Ici c'est que des loups. Villeneuve m'enfermé, c'est pour mes fêlés. Faites pas les fous. Faut payer le loyer, faut s'habiller. Il me faut des sous. Mon pire ennemi c'est moi-même. Si t'es mon ray, allez viens je t'emmène. La coupe est pleine, ouais poto on est plein. On veut du pif, l'homme il faut la mettre plein. Et pour le souci, s'il y a du chiffre à faire, y'a pas de soucis. 9394 c'est la rue imbécile. Pour les mettre à l'amende, il suffit d'un coup de fil à les fumer.